kick the gong around. Hi-di, hi-di, hi-di, hi-di, hi-di, hi-di, hi-di, hi-di, hi-di, ho. She had a dream about the King of Sweden. Gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times. TSF Jazz. La seule radio 100% jazz. Thank you. Vous avez choisi TSF Jazz. TSF Jazz, la seule radio 100% jazz. Get out of town before it's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds off the trees? Just disappear, I care for you much too much. And when you're near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet. Baby, it's getting me down. On your mark, get set, get out of town. Get out of town, get out of town. Please get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds off the trees? Just disappear, I care for you much too much. And when you're near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet. Baby, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town, get out of town, get out of town. Get out of town. Get out of town. Thank you. Enregistré au Crescendo Jazz Club d'Hollywood en Californie, la même où Ella Fitzgerald a gravé son mythique Ella in Hollywood, et bien cette fois-ci c'était l'un de ses collègues, le crooner Mel Tormé dans Get Out of Town, pour vous accueillir sur TSF Jazz. Salut à tous, c'est David Copéran, ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 19h en ce vendredi après-midi. J'espère que je vous trouve en pleine forme. Bientôt le week-end et les fêtes qui se poursuivent, les vacances encore pour beaucoup d'entre vous. J'espère que tout va bien. Il va se passer plein de choses ce week-end, notamment le début de notre hommage à Michel Petrucciani 20 ans après sa disparition, et puis ce soir à 19h dans le Jamie Cullum Show, interview exceptionnelle avec monsieur Harry Connick Jr. En attendant, on passe l'après-midi ensemble dans quelques instants. Scott Hamilton au saxophone ténor et sa balade Who Can I Turn To. Il y aura aussi Errol Garner et sa reprise de Yesterday. Et tout ça. La galette des rois qui sort juste du four, la pâte feuilletée pur beurre qui croustille, la frangipane amande qui fond en bouche et la fève qui s'y cache. Je ne sais pas vous, mais moi, cette année, je compte bien être couronné. En ce moment, chez Picard, le roi, c'est vous. Alors laissez-vous tenter par la galette des rois frangipane pour 6 personnes à seulement 5,95€, soit 9,91€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, évitez de grignoter. Auchan, et la vie change.